En effet, poursuivit-il, Tour Boulnera est pur phénicien. Tour, prononcé tour, tour et sourd, même mot, n'est-ce pas? Sourd est le nom phénicien de Tyr. Je n'ai pas besoin de vous en rappeler le sens. Boule, c'est Baal, Baal, belle, boule. Légère différence de prononciation. Quant à Néra, cela me donne un peu de peine. Je suis tenté de croire, faute de trouver un mot phénicien, que cela vient du grec, humide, marécageux. Ce serait donc un mot hybride. Pour justifier humide, je vous montrerai à Boule Ternaire comment les ruisseaux de la montagne y forment des mares infectes. D'autre part, la terminaison Néra aurait pu être ajoutée beaucoup plus tard en l'honneur de Néra Pivetusia, femme de Tétricus, laquelle aurait fait quelque bien à la cité de Tourbou. Mais à cause des mares, je préfère l'étymologie grecque. Il prit une prise de tabac d'un air satisfait.